Pour l'instant, c'est vers l'amour des technologies d'information qu'on se tourne. Raymond Poirier qui est avec nous pour en parler. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et tu reviens sur TEDx Québec 2013 et là, tu dois absolument nous expliquer qu'est-ce que c'est. Effectivement, mais peut-être que les gens ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux, sur les médias, des conférences qu'on appelle les TED, T-E-D, donc trois lettres majuscules. Ces lettres-là, ça veut dire Technology, Entertainment and Design. Donc, c'est des conférences qui tournent évidemment autour de l'univers des technologies, du design, de la culture au sens large. Et surtout, c'est des conférences qui visent à inspirer. Donc, que ce soit à travers des exemples, des accomplissements, des idées. Donc, c'est une série de conférences, une approche de conférence qui a quand même pris racine assez rapidement du côté américain, du côté international, même au sens très large, qui a été adopté aussi par d'autres via ce qu'on appelle des TEDx. Donc l'idée, c'est qu'un événement TED, il y en a quelques-uns à chaque année, ces événements officiels. Donc généralement à bon budget, grand déploiement, qui sont web diffusés par la suite, qui se font la totale. Le dernier, c'était sur la ville 2.0, c'était animé par l'ancien rédacteur en chef de Wired, Chris Anderson. Ça donne idée, il y avait le maire d'Atlanta qui participait parmi les conférenciers, etc. Et dans ces événements-là, on parle de conférences d'entre, mettons, 6 et 18 minutes selon le sujet. Et donc, TEDx, c'est que face à ces événements-là, les gens ont aimé le format, les gens ont aimé le contexte, les gens ont aimé le concept et avaient envie de le répéter dans leur ville à eux, donc d'offrir des événements de type TED avec le type de conférence qui est généralement poussé par ces événements-là. Et donc, l'organisme a décidé d'offrir gratuitement des licences, donc les TEDx, à ces organisateurs-là. L'idée étant qu'on doit respecter quand même une série de critères dans le choix des conférences, dans la présentation de celles-ci et ensuite dans la web diffusion des conférences. Comme une petite sous-branche. Exactement. Fait pour favoriser un peu l'échange d'idées au bout du compte, puis pour offrir aux gens un cadre, puis un cadre de diffusion aussi, parce que justement, tous ces TEDx-là sont répertoriés sur le web, donc ça fait une banque de conférences quand même assez imposante sur une belle variété de sujets. Et de manière générale, j'aurais presque envie de dire, si vous avez envie d'aller voir sur le site de TED et de TEDx, justement, les conférences, les événements, les réflexions, souvent en anglais, parfois en d'autres langues, ça peut être une ressource quand même assez intéressante dans le genre de soirée où on a envie d'être sur Internet, on a envie de regarder des vidéos, mais on n'a pas nécessairement envie d'aller farfouiller dans YouTube et d'autres sites. On va apprendre et s'inspirer. Mais c'est bien d'avoir encadré le tout parce que de toute façon, je pense que le genre d'initiative se serait fait ailleurs. Donc là, au moins, TED garde le contrôle là-dessus. Mais de quoi on a parlé à Québec? Mais en fait, la thématique, de manière générale, c'était nouvelles frontières. Donc l'idée, c'était d'essayer d'explorer les nouvelles possibilités, de faire un état des lieux du monde, si on peut dire, au sens très, très large. Évidemment, à l'intérieur de ça, il y avait presque une dizaine de conférenciers à Québec, donc qui étaient sur place, étaient présentés au Théâtre Périscope la semaine dernière. Et parallèlement, format oblige, ben, il faut aussi intégrer des conférences en vidéo. Donc, aller chercher justement dans la masse de TED officielle et aller faire la sélection de quelques conférences qui servent le thème pour aussi renforcer peut-être les ponts avec l'événement. Et ces conférences-là donnent peut-être aussi l'idée que les axes que les organisateurs ont choisi de mettre de l'avant, donc dans leur sélection de conférenciers par la suite. On parlait de nouveaux modes d'appropriation, peut-être d'une certaine manière. Il y avait un conférencier, Ron Finlay, donc dans ses TED de San Francisco, qui lui parlait de l'agriculture urbaine. Donc l'idée, il vivait dans un quartier défavorisé qui s'appelle South Central à Los Angeles. Et essentiellement, donc il y avait... disons, beaucoup de terrains vagues. Il y avait beaucoup d'espace sur les trottoirs, autour des arbres, qui n'étaient pas nécessairement exploités, qui n'étaient pas nécessairement embellis. Et il a commencé à faire des jardins dans ces terre-pleins-là, dans ces espaces-là. Éventuellement, il a fallu qu'il aille aussi chercher l'autorisation de la ville, ce qu'il avait fait initialement de manière autonome. La ville est revenue, a réussi finalement à faire son combat pour obtenir le droit de les faire. Et essentiellement, après ça, d'aller regrouper des gens et dire, bon, OK, en fin de semaine, on va travailler tel terre-plein, on fait tel jardin et qu'ensuite les gens puissent, en se promenant dans le secteur, ben, aller se chercher justement des fruits, des légumes, tout simplement. Wow. Et d'amener les gens à se réapproprier la terre en se disant, ben, OK, on a beaucoup d'espace, on a beaucoup de problèmes de pauvreté, on a des problèmes de santé, mais peut-être que la solution, c'est de retourner à la base et de se poser des questions sur notre alimentation et de rendre accessibles des alimentations alternatives. Donc, ça, c'est un beau projet quand même. Oui, vraiment. Donc là, on parlait d'agriculture urbaine. De quoi d'autre on a parlé sur les conférences qui étaient en vidéo? En vidéo, on a parlé, en fait, un exemple qui était assez intéressant, un projet qui s'appelle Wiki House. Donc l'idée, on en a parlé un peu dans les chroniques ici, Tania, d'impression 3D, de Wiki aussi. Donc Wiki, essentiellement, c'est une culture de la gratuité, du partage. Donc c'est des plateformes web sur lesquelles on peut diffuser des connaissances, les partager. Parallèlement, donc l'impression 3D, donc c'est l'idée qu'on peut aujourd'hui, donc, prendre un plan et le faire imprimer en trois dimensions, de faire imprimer des pièces. Au niveau de la construction, ça existe quand même bien avant la généralisation progressive. Enfin, on est encore loin d'une grande généralisation, mais l'apparition d'imprimantes 3D est capable et on était quand même en mesure d'intégrer des plans qui sont diffusés dans un cadre précis à l'intérieur d'une machine qui allait découper ensuite les pièces. Et donc, WikiHouse, c'est de rendre disponibles des plans de petites maisons. Donc, pas des énormes maisons, peut-être des 2,5, des 3,5 en habitation. Les rendre disponibles sur Internet pour que les gens puissent tout simplement prendre ensuite le plan, le mettre dans leur ordinateur, aller louer la machine qui fait la découpe, ou aller louer un temps sur cette machine-là, faire la découpe donc des pièces de la maison en bois, et ensuite, sans avoir besoin d'un seul clou, donc construire la maison, donc faire le montage, donc essentiellement une maison IKEA. Comme un casse-tête. Et donc qu'à deux, en une journée, on puisse effectivement compléter le casse-tête de la maison et que si on démarre donc le montage le matin à 9h, ben qu'à 9h le soir, on ait une maison humble, mais une maison quand même qui soit disponible. et eux sont partis de l'idée qu'il y a beaucoup... exemple, dans des pays comme Brésil, dans des continents comme l'Afrique, ben il y a beaucoup de développement urbain qui se fait, mais souvent, ça passe par les bidonvilles. C'est des quartiers qui croissent à une vitesse quand même assez importante. Et souvent, ben les maisons qui sont construites, là, le sont avec les moyens du bord. Alors, il dit, ben ça, on donne avec essentiellement les mêmes moyens puis le même budget pour lesquels ils sont en mesure de travailler, de construire actuellement. Si on leur donne des outils pour qu'ils construisent mieux, ben ils vont avoir des meilleures conditions de vie. Et en plus, ben la ville va s'en sortir bonifiée aussi d'un point de vue esthétique, d'un point de vue design. Ben oui. Donc, quand même assez intéressant aussi. C'est quand même mieux de s'imprimer sa maison que de vivre dans une boîte de carton. Exactement. Et est-ce que tu nous parles d'une dernière conférence vidéo? Oui, très brièvement. En fait, c'est l'exemple le plus hallucinant que j'ai entendu. Quand on parle d'inspiration, je pense que c'est un bon exemple. C'est un adolescent, Jack Andraka, 16 ans, qui, lui, s'est rendu compte à un moment donné que c'était très compliqué de déceler le cancer du pancréas. Qu'il y a un traitement qui existe, mais qui est très onéreux, et qu'au bout du compte, ben qu'il y a aussi un haut taux de risque que ça ne marche pas comme évaluation. Donc, ce qui fait qu'il y a une bonne quantité de gens qui se retrouvent dans des situations difficiles face au cancer du pancréas. Donc, lui s'est dit, ben est-ce qu'il y a peut-être un autre moyen de le faire? Et des fois, quand on a 16 ans, on est naïf, on a l'impression qu'on peut faire des choses facilement, qu'on peut les accomplir. Alors lui s'est dit, ben il y a Internet, je vais aller me renseigner sur le cancer du pancréas. Il s'est rendu compte que le cancer était causé par une variété de bactéries. Et donc là, il s'est dit, ben est-ce qu'il y en a une autre que celle qu'il utilise présentement pour l'identifier qui pourrait être meilleure? Fait que là, il s'est mis à comparer avec toutes les autres formes de cancer qui existent pour essayer de voir s'il y a une bactérie plus facile à détecter, celle qui est utilisée, qui est unique au cancer du pancréas. Et ensuite, toujours à partir du web, il s'est mis à faire fouiller sur comment détecter cette bactérie-là. Éventuellement, il a réussi, après avoir contacté plus de 100 chercheurs, à obtenir du temps de recherche pour valider son hypothèse, pour la bonifier avec l'appui d'un scientifique qui connaît les méthodes de laboratoire. Je connais ça, oui. Et subitement, après un certain temps, il a réussi à trouver une nouvelle manière de détecter le cancer du pancréas. Et quand on parlait d'inspiration, c'est assez inspirant comme nouvelle et comme conférence. Il avait conclu sa conférence en disant, regardez, vous allez sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, voir des vidéos, rire un peu, mais dans le fond, on a une somme de savoir quand même assez imposante face à nous. Et si moi, j'ai 16 ans et je décide de travailler fort avec Internet pour trouver une solution à ça, mais peut-être que vous êtes capable d'accomplir des choses aussi en utilisant le savoir qu'il y a là-dedans. Oh mon Dieu, mais c'est vraiment impressionnant. Mais donc ça, c'est des conférences qu'on peut voir sur vidéo, mais il y en avait aussi en direct avec des gens de Québec. Et qu'on pourra voir sur vidéo, évidemment, parce que ce sera aussi diffusé sur le site de TEDx. J'en mentionne peut-être deux pour illustrer un peu le genre de sujet plus locaux. Il y avait Yvon Fortin, en fait, qui, lui, travaille notamment, il a développé le programme Science on tourne, qui se tient depuis 23 ans dans les cégeps du Québec. Et essentiellement, lui, il nous a fait une démonstration que... le meilleur endroit pour s'éveiller aux idées, c'est l'école, et que il y a un plaisir, il y a un jeu à apprendre, en fait. Il nous a fait des démonstrations de base, en fait, où en disant, si vous êtes moindrement curieux, on a peu à faire pour aller vous chicoter, si on peut dire. Il donnait l'exemple, qu'est-ce qui fait, si je vous dis qu'on est capable de faire bouillir l'eau à 100 degrés, et qu'on est aussi capable de la faire bouillir par un froid tellement fort qu'éventuellement elle va tellement bouillir qu'elle va geler. Il nous a fait la démonstration. À un moment donné, il nous a demandé, ben, qu'est-ce qui fait que, par exemple, quelque chose est dur, donc, essayer de nous amener vers des phénomènes très quotidiens sur lesquels on a perdu peut-être un peu l'habitude de se questionner et nous rappeler que, à travers un cursus scolaire, ben, on peut évidemment aller explorer ces thématiques-là, éventuellement les pousser très, très loin, mais que les idées, sont un peu à notre portée. Donc, ça vient un peu dans le sens de ce que, le jeune avait dit en vidéo. Donc, c'est l'idée qu'il y a des connaissances qui sont disponibles et qu'il faut avoir de A, la volonté de s'y approprier, puis de B, la curiosité pour profiter de toutes les questionnements qui nous entourent et qui nous sont accessibles au quotidien, là. Et deuxième conférencier qui t'a marqué à Québec? Quelqu'un que les auditeurs de CKRL connaissent probablement, c'est Ogden Rijanovic de À la Claire Ensemble, qui lui, parce que souvent ces conférences-là partent un peu d'une expérience vécue, donc lui est venu parler de quelle manière on peut essayer de développer des nouvelles manières de mettre en marché et de rentabiliser des produits culturels grâce à l'Internet. Donc, à travers l'exemple justement du À la Claire Ensemble, qui à l'image d'autres groupes comme Mister Valère, ben, ont décidé que plutôt que de vendre les CD, ben, de les donner les pièces et éventuellement de développer ensuite d'autres modes de financement pour les projets, donc via les spectacles, via du matériel promotionnel, t-shirt et autres. Donc subitement qu'on avait un plus et que ça a fait toute la différence, on peut dire, dans leur manière de développer la formation, leur manière de pousser leurs produits, et que tranquillement, ben, justement, il y a des journalistes qui n'avaient pas nécessairement l'habitude de ce type d'approche-là, qui ont transformé leurs méthodes, transformé leurs approches pour répondre favorablement à ce type d'invitation-là, et que ça, c'est le témoin peut-être, en fait, ou un des témoins de la nouvelle manière de faire en culture qu'a amené Internet. Et Raymond Poirier, c'est ce qui clôt le dossier des TEDx Québec. Donc, sur le site, on pourra voir ces conférences dont tu nous as parlé, qui semblaient toutes, d'ailleurs, très, très intéressantes. Et en terminant, tu nous laisses sur la prochaine activité de l'ITIS. Oui, en fait, ce mercredi 4 décembre, en 5 à 7, donc, un bar DTI, 3D et réalité augmentée. Donc, on invite 3 experts qui sont là pour répondre à des questions. Donc, c'est les participants qui bâtissent la conférence avec les conférenciers au fil de leurs interrogations. Donc, quelles sont les tendances à surveiller autour de la 3D, les projets, initiatives qui sont en développement, le potentiel de la réalité augmentée. Donc, si jamais les gens veulent avoir un peu plus d'informations, parce que, évidemment, c'est sur inscription, je vous incite à aller faire un tour, tout simplement, fait sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Donc, il y a là toute l'information concernant l'événement et le lien aussi pour s'y inscrire. Et on pourra retrouver en même temps les chroniques que tu réalises ici dans Change de disque. Raymond Poirier, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.